lâché comme une pédale, t'es bien stressé. Street killer, sino babe, t'es une tasse, c'est confirmé. Tu crois fort, mais t'es une pute, tu kiffes les queues en jouant de la flûte. Pour toi, sucer des bites, pour toi, c'est une bonne réplique. Tu débiles les gens, putain, t'as pas honte. Ah, mais oui, c'est vrai, j'ai oublié que t'es des gays. Ta bouche pulsaire, je sais pas où tu l'as foutu. Ne me serre plus la main, je sais que tes doigts sortent de ton cul. Ton surnom, c'est Dadjidé, tu te couches au sol pour te faire fouetter. Tous les jours aux chiottes, à 10h, je t'entends jouir. T'as comblé tes sacs de god, mais putain, t'es grave que pire. Si je raconte ça à ton père, voilà, il va perdre le sourire. AK-47, gun sur ta face. Tu te fais trouer le cul, tu te fais trouer ta race. T'en veux encore, non, mais voilà, que t'es fou. Regarde ton slip, putain. Il a déjà des trous. Danube Z5, Danube Est, Ouest, on est halte. Moi j'ai le style bonhomme, toi t'as un style de pédale. T'as voulu me clasher, maintenant à toi d'assumer. Tes rumeurs sont fausses, tu te prends trop pour un boss. Des bouffons comme toi, on leur crache dessus. Des salopes comme toi, on leur pisse dessus. Tu pilotes colonne, ton parc préféré c'est le Bois de Boulogne. Penalty aux couilles comme le FC Barcelone. Dani Vecino 19 vient décédé.